production présente Banamolo Kaye Manu Luvaka Tambou Saba plan dans le monde entier. Il y a pas de terre, ma belle est en tambour la cabane, c'était tolé la cam. Boutou pour la bombe, mais ton papa y a quoi l'ouka? Pour ça la bombe. Mokili, pitié, pitié. Moi si pour la salle, ça n'a pas passé l'encore. Tendresse et ça là. Bana pour la bombe, c'est fruit. Comme y'a l'amour. C'est ainsi Dieu créa l'homme. Mon qui lui pitié, pitié. Quakito, ibou, aou, aou, ouf, i. Oya, Koringanza, Melikolo. Oya, Masumunda, Mopigatoa. Mabe, mabe, Olifelo. Photo chez Koko, Tandima, Yezu. José Mongala Nanga, que pai mokile bandate, la pe Claudie, que pai mokile bandate, Pasco Nanga, que pai mokile bandate, la pe Jemaki, que pai mokile bandate, Zambe ye me mokeli ayebi. Elodie, o bongo limo tema, tema, tina nini, bato bako ni maya. Eric Lema le tena du titre. Aïe, yo bongo limo te mate mate nanini. Bato bato ni mayoto. Ya lelo yo change bizali. Wapi bande kuna yo. Baye bi verite. Soso yango oye leli ayamu. Oyo wanga nangayi. Petelo na yezue. yeah.